manquer de respect a fait Michel Colucci. Ces restos fonctionnent encore, l'esprit est parti. Les restants du cœur, c'est le nom qu'ici on donne à tous leurs nesbis, même si leur place officielle varie. Un bout barbare en guise de palpitant, ça arrive apparemment plus facilement qu'on ne le croit. Quand l'amour du fric fait la nique à l'amour du risque, alors fais ta BA. Achète donc mon disque, les spectateurs BA ont perdu la notice. Réflexion version bêta, si t'es pissé, tu pars en mission. À quoi bon appeler gala, leur presse plus belle bidon, si ce n'est pour faire parler toi. J'pisse sur la réputace de ces putains et de ces chanteurs en bois qui génèrent de la thune sans que ça ne change rien en bas. Ça dégénère sur le bitume à 25 balles et j'compte moi les SDFA. Et j'dis qu'ils aillent se faire mettre quand ils parlent d'assistana. Les restants de mon cœur tiennent dans la main de mes gars. Et ça vient avant qu'il est tendu, ce jour où le toit s'est tiré. Ce soir où je voyais que les étoiles et que je leur tendais les bras, alors qu'elle me disait casse-toi, ne rêve pas, ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Mais je les emmerde moi, je suis là et tout va. La vie m'est l'air à la dure, tant je respire, je préserve les miens. Les coups de vis et les ordures, tant je chavire, c'est que mon cœur n'est pas pourri, mais juste un peu trop mûr. N'est pas pourri, mais juste un peu trop mûr. Petit carriériste, au gros appétit, à la recherche d'une action à la grosse Marie. Une nouvelle corde à son arc, tous à l'abri. Il nous pousse des cornes, altruisme, un prix, le prisme de l'intégrité. Quand tu uses comme un god de ta notoriété, tu milites pour plus d'égalité. La misère n'a plus qu'à attendre ta sortie d'ébriété. Pété à la race pour fêter la sortie de ton tube de l'été. À la une de Closer, à la maternité. Humaniste à 16 heures appellera à voter. Bah voyons, tu commences à me plaire. Ouvre grand tes oreilles quand je sors de mes gonds. Si t'étais volontaire, personne ne pleurait Saigon. Si on perd la baston, c'est que tu les laisses un peu faire. Un French doctor qui n'a rien d'anecdotique. Empirique sur les bords, dans ses envolées lyriques. Maintenant j'en suis sûr avec ses énergumènes. Il faut s'attendre au pire, et le pire c'est la guerre. Non c'est pas pour l'argent, c'est de l'humanitaire. L'ingérence est un droit pour une poignée d'émissaires. C'est pas le marché au bus, c'est celui de la misère. Répondu messieurs, dames, surtout le